boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. The chances. Say nothing. And I'm the slumlord. And when you sit on the side of the motorway, rain pouring down your arches, and the cars rushing past you, and you're semi-dozing, not caring. Waiting for the light. Nothing but the chances. Say nothing. And I'll lie down and let the cars run over my lifeless body. Say nothing. Each wheel represents pain. Say necessary nothing, for all of us. Waiting for the light. Nothing but the chances. Say nothing. Waiting for the life. Nothing but the chances. En 2020, au tout début de Pop and Rock sur la très locale RVR, nous avons eu la chance de découvrir The Night Chancers, 7e album de Baxter Dury, album duquel nous venons de réanimer Say Nothing, une des nombreuses perles du fils de l'inventeur de Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Bonne nouvelle, 2023 marque la sortie du nouvel opus du Baxter. Cars better than you, foyer, chill and firehouse, bloated spleen, round slip-ons, watercress and the chin. White suit, patriarchal figure, lipstick on the collar. Who's thinner than who? Who's speaking more lowbrow? Day ghosts raised by long faces. I was alone, mum, but you said nothing. Just off chirping that alcoholic. And everyone says, yeah. Sometimes say yeah, and all the posh kids go yeah. Now I'm with a dangerous man on the way to posh school, Kensington. Trixie's in the back, she's made no effort at all. And the yayas are screaming at us, scared of bohemians. And all the posh girls go, yeah. And I go, yeah. And everyone goes, yeah. Yeah. You're the Aylesbury boy, sailing close to the wind. You gotta let go the dark thoughts, funny smiles on broken china. For this is now Pinot Noir sunsets on Burger King trousers. We are the future, carrying the past, like rancid meat. And boys and girls who dare to dream and love to say, yeah. And everyone says, yeah. And all the posh kids go, yeah. Pas de grosse surprise dans ce nouvel album dans lequel Baxter Jury prétend ou du moins pense être mieux sans nous, alors que cet album est empli d'invités. Le dandy désabusé Grand Breton n'est donc pas à une contradiction près. I'm not condemned cause I'm the son of a musician. Because I don't wash, or you think I'm too posh? I'm too heavy, where's your daddy? Fuck you Leon, you stole the sunglasses and I got busted. I'm the son of a famous working class poet. Who knows, but mama's normal. She'll solve the issue, she'll call the police and get off with it. I'll go back to school and everything will be normal. Porridge in the morning and be normal. I'm afraid we cannot contact your parents. Okay, sit in the same cell. Don't you stay where fucking Leon is. I have to sit here looking at the ladies' cats. Fuck that. Daddy lives in Saint-Tropez. What am I gonna say? No sunglasses, no point in keeping me just because my daddy's famous in Kensington R Street. Leon, fuck you. Who stole the computer game? I get the blame. I'm not normal citizen. Always will carry your debt. You think I care? I've tried so hard to run. We don't belong here. Si vous avez aimé ces deux nouveaux titres, foncez pour écouter cet album dans lequel, comme d'habitude, le Baxter Jury prend tout son temps. Vous n'aimez pas ? Alors retrouvons l'univers plus perturbé de LCD Sound System qui rêve d'avoir Daft Punk pour eux tout seul à la maison. Playing at my house, my house. show you the ropes. I got a bus and a trailer at my house, my house. I'll show you the ropes, kid, show you the ropes. I bought 15 cases for my house, my house. All the furniture is in the garage. But that funk is playing in my house, my house. You got to set them up, kid, set them up. Les lundis entre 17 et 18h, vous écoutez Pop and Rock, vous savez, cette petite émission très confidentielle dans laquelle on peut écouter Baxter Jury, LCD Sound System et autres téléfax. Allez, bon courage! Thank you. Téléfax sous 4 minutes pendant lesquelles j'espère vous avoir fait voyager bien au-dessus de la mêlée. Téléfax, rien à dire sur eux, j'ai juste ce morceau dans mes playlists sans trop savoir comment il y a atterri. Sinon, il y a aussi Broken Bells. Ce 231e Pop & Rock renoue avec la tradition qui voulait que sur une heure on mélange nouveautés, groupes anonymes et cadavres exquis du rock, mais à présent revenons donc aux quasi-nouveautés, quasi, parce que le Foo Fighters qui arrive date déjà de quelques semaines. « Soyons clairs, Foo Fighters, Pierrot, c'est pas ma tasse de thé. D'ailleurs, leur dernier opus ne me convainc toujours pas, mais sans doute les Foo Fighters sont-ils plus faits pour les lives que pour les studios. Allez, on se lance pour The Teacher des Foo Fighters qui dure pas plus pas moins de 10 minutes. Here and the now, we'll separate. The Teacher, les Foo Fighters, 10 minutes de folie avec une fin qui m'empêche toujours de faire de belles transitions. Mais bon, revenons à notre pop and rock avec tout de suite les Strokes. Ça vous parle ? Pour moi, ils appartiennent à ces groupes qui ont un son reconnaissable, voire identifiable. Ce soir, c'est le chanteur des Strokes qui est à l'honneur, 6e ou 7e album solo de Albert Hammond Jr. Perso, je valide. I look up. faded. Thought about it, feeling shaded. Undermine me, but you overrated. I couldn't take it. I moved to London, separate places. I'm better focused, and you say you miss me, but that shit belated. Yeah. I'm not safe. I made mistakes. Nouvel album du chanteur des Strokes en solo, album aux sonorités riches et variées, 19 titres dans Melodies and Hiatus, dont le Kaufman Night qui arrive tout de suite. Thank you. Albert Hammond Jr. est ce soir dans Pop and Rock pour nous offrir ses nouveaux titres. Vous aimez les Strokes ? Vous adorerez certainement Albert Hammond Jr. et cet album parfois très Britpop, parfois plus intimiste et parfois plus dansant. Go back twice. I know that's bending the rules, but don't that work sometimes? I don't want you to ask what I am doing here. 1979, that was a different year. I've been here too long. Would you like time on your own? If I'm imposing on you, but it's only 'cause I had nothing. Tell me you know, like all your thoughts are facts. Like no one else can see that everyone's in drag. Go ahead and go, I have got nowhere to be. Go ahead and perform your personality. I just want you to know that if you don't come back, I don't want you to change, I never felt like that. So I'm not gonna ask you to apologize. Think you might have mistook me for a different guy. I've been alone for such a long time. Such a long time, darling. If you miss a beat, would it be mine? 'Cause I've been alone for such a long time, darling. Vous êtes bien en 104.6 en train d'écouter Pop and Rock sur RVR et n'oubliez pas, si vous aimez tous ces artistes qui arrivent et qui passent, foncez sur la page Facebook de Pop and Rock sur RVR. Sur ce, on se fait nos petits chouchous. Voilà, Come With Us, The Children of the Sun. The feeling is strong. qu'est-ce que c'était bon, c'était le Come With Us de Children of the Sun. Pop and Rock aime gratter et chercher, et quelquefois, tel le chercheur d'or, une pépite roule au creux de notre main calleuse, et bien parfois, deux pépites surgissent au creux de notre oreille. La première est belge et la seconde est française, même si ça sent le ricain ou le grand breton. Profitez à présent de Black Box Revolution que nous enchaînerons avec les Français de Clinique Rodeo. Trembles when you growl into my face. Pop & Rock va fermer et ce soir, les clés de la boutique sont confiées à d'anciens pensionnaires de Pop & Rock, les petits-enfants du rock. Voici le joyeux Quit Waking de nos potes des Cheap Tricks. Sur ce, rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, et surtout, bis à tous. There's nothing to it.